Nuit. Planète rap, 100% explicit lyrics. Et c'est parti pour la première nocturne en direct en 2016. J'espère que tout va bien. Ça va, pas trop mal à la tête. Dites-nous un petit peu quelle est l'ambiance là, si vous écoutez la nocturne chez vous, en bas de chez vous, dans les bagnoles. Un petit message 41759, le hashtag Skyrock, le hashtag la nocturne, ça arrive direct. Tiens, d'ailleurs, comme c'est la première de 2016, on va mettre beaucoup de sons d'artistes qui risquent de marquer l'année 2016. Ils ont marqué aussi pour certains déjà 2015. Je pense à PNL, on écoutera un morceau qui s'appelle Tempête, le clip vient de sortir. On voit quelques images d'ailleurs de Skyrock dessus, du Planète Rap. Une grosse dédicace à PNL, on écoutera du Seth Gecko, du Dossé, du Dean Burbigo, aussi du Rimka aussi qui arrive, du Al Capote, du Sadek. Et puis SCH qui débarque lundi, toute la semaine prochaine, 20h-21h dans Planète Rap. SCH débarque. Ah oui, on l'attendait ce Planète Rap, on n'avait pas pu le faire pour une question de timing. Donc on attaquera l'année 2016 avec SCH, c'est dès lundi 20h-21h. On l'écoute maintenant. Planète Rap, 100% rap français. Dédicace Bruno, il est là, le poteau. Merci, bonne année. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne année à Cor aussi. À SCH. Ah ouais. Hey, les petits sont mûrs, la vie c'est dur. Suffit pas de le dire, assis sur un mur. Vois l'avenir, bloqué dans l'obscur. Heureux dans la mire. J'suis pas là, bénévole. À l'instar des autres, j'suis sur le toit. T'enquête, je l'offre, j'suis en guerre. J'appuie, pay bitch, crame. Chacune son goût. Deux putes dans le même lit. Le M, on a les mêmes goûts. Genre de route. Un bon siège, cuir bac. Un fer couleur nacré, ré, la oui, la oui. Gamma sur l'échange, les poils loués. Pas loué, pas loué, c'est pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Pas loué, c'est la loué. C'est fait sur les champs, pas loué. Sur les champs, c'est pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs, pas loué. Pas loué, pas loué. À part sur les champs, je l'ai pas loué. J'suis plus sur tes côtes, pas méchant. Elle veut m'amadouer, elle suit sans tous mes potes. Y'a pas de méthode, mensonge partout, ouais. J'suis sur écoute, c'est les rats, followers. On est en vie, rassurez-vous. Bonne drogue, vrais hommes, pas stoppés par l'épuisement. On a de l'argent et mes potos sont plus stoppés par leurs pigments, hein. Fuck le monde des mondes, on revient de loin, si loin. Aujourd'hui on rôde en gamme sur l'échange, les points loués. Pas loué, pas loué, c'est pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Sur les champs, pas loué, pas loué, pas loué. Qu'un doigt pour mes haters, jalouse, elle me dit wesh, est-ce qu'on s'appelle après 9h? J'attends quand même depuis hier. Tu sais, j'ai mes envies, moi aussi. Tu penses arriver pour quelle heure? J'ai sorti la ruinard du frais. Emmène-moi tout en haut de la tour Eiffel. J'ai pas le temps pour ces conneries. Fais juste ton job, j'te paye après. Coque dans un petit paquet, c'est Marseille bébé. Parabellum, c'est la guerre en bas, on va pas ramper. Je sais que tu sais que je sais. Appelle-moi plus tard, là j'suis en. Gamme sur l'échange, j'l'ai pas loué. Pas loué, pas loué. Elle est pas montée qu'elle est déjà mouillée. Une grosse dédicace à la crime, une bonne année à la crime. Et Maître Gims aussi qu'on écoute maintenant. Petit jaloux, c'est dans la nocturne. AWA Mafia, man.

passe au vert comme dans les rues trop terre. J'suis sur Titan, j'ai plus les pieds sur terre. Ico c'est le sou que je les vois j'louffer, sniffer. So why does speaker water. Je les vois arriver comme des morts vivants. S'enfonce dans la détrousse, ça qui fange pas halluciné. J'cousse le bonheur, j'fais comme Titi et le gros minet. J'suis à l'hôtel, j'pas resto, j'pas au ciné. Aux arrivants, aux allumettes, j'ramasse les mains. J'dis à la madone, ce que j'te ferais, j'peux pas le dessiner. J'ai la barre, mauvais garçon, laissez passer. J'tourne le dos à ces putes, c'est la base. J'sors de Fleury, y'a le pétasse, fais me lasser. Sourire, ma vie sans son merde. J'roule une yaxe, j'sors le doigt en l'air. Le thème c'est Tana des squads. J'fais mes doigts. Hola amiga, les chicas font hella. J'fais ma moula, quitte à dépenser. Attaque à la marche comme un Roubaix. Koutou. J'te mets les trois points comme Jordan et Moula. Allumé, manque de poids, tu vas t'as touché. On viendra quand même régler.

je les envie. 40 ans, père et mère en vie. Optimiste, je vois plus le verre à moitié plein, mais rempli. Je les envie, moi 40 ans, père et mère en vie. Optimiste, je vois plus le verre à moitié plein, mais rempli. L'amour, ça t'adoucira ou te tuera. Esquiver la prison, ça tient du miracle ou du Chirac. Parfois, la vérité, j'agonise. La vérité, je doute. RIP, j'agonise. RIP, bigou. Il paraît que les tibiens savent perdre. Oh, de là-haut, Victor Hugo m'a dit oh, t'écris bien, sale nègre. Le bruit, l'odeur, les tirailleurs. Ça, c'est nous, je crois. Alibaba et les 40 auteurs, ça, c'est nous pour moi. Tu meurs à se venger, façon Kill Bill. T'as du plomb dans l'aile et dans ton frisbee. Et t'as ton chanson Trisbis. Si t'es fan, t'es sans doute riche en bootleg. Ce qui est beau et précieux, moi, j'ai vu le sang du Christ en bouteille. J'y arriverai, hein, peu importe mon thème astral. Regarde-moi bien, je vise bien. Boum, bam, thème strike. Ça va finir en banlieue, cimetière communal. Les temps changent, bientôt des hétéros feront leur coming out. C'est pas une caresse, mais une manchette, yo. Y'a la prudence et le destin. Cimetière est plein de gens qui mangent bio. Putain, les frères, écoutez-moi. Moi petit, je rêvais d'un gun. Si tu me cherches, crois que j'aurai mon rêve au bout des doigts. Quand je serai KO, qui me donnera une pièce? Personne, demande leur moi, je suis entier. Je suis pas une jazz, personne. Je veux le paradis pour les miens, t'as raison, je t'aimante trop. J'aimerais finir la journée, eux, les saisons de Game of Thrones. Je vous regarde de haut, je sais que t'as sûrement vu passer mon drone. Qu'on me rende ce qui m'est dû, ça c'est ma maison, c'est mon trône. Surfer, non, j'allais en classe avec mes requins. Surfer, non, toujours en clash avec les refrains. L'espoir pour un pauvre, c'est le rêve, non, pour un faux. Dans le rap, on me disait d'être moi, je paye un impôt sur les revenants des avoirs. C'est ce qu'il nous faut pour être niveau plume, y'a du niveau, c'est nouveau, nouveau poète. Tu sais qu'en punchline, c'est moi le druide, tout le village, j'ai lâché le rap. Non, c'est le rap ou l'HP, fuck un coup d'une HV. Des bras cassés, deux par deux bras de fer. Handicapé des sentiments, tu dis je t'aime quand t'as 2,7 grammes. La mentale, même quand je mange une cran, pas la faim. J'suis pas un rappeur lambda, genre de la lambda ladin. J'sais pas ce qu'ils font, en tout cas moi, putain de merde, j'fais du rap. Même si certains le voient d'un mauvais œil comme Philly Wap. J'suis pas comme vous, eux, j'voulais dire comme eux. Hein, j'voulais dire qu'en fin de compte, moi j'ai trop de vécu pour écrire comme eux. À ceux qui m'appellent ici, j'voulais dire que la première faut ma main a touché un mic, je voulais rire de ça. Cette planète rock. La nocturne. Ah. Abdallah dans la nocturne. Maman, café maman, allongé. Voir papa qui pleure dans le salon. C'est déjà décembre, j'ai mal au cœur de voir que vos douleurs s'allongent. J'ai mal au cœur de voir qu'il n'y a pas de sapin. Demain matin, t'en prendras un et tu mettras ta robe satin. Tu me connais, je ne suis pas fan de ces périodes de fête. Ce soir, j'ai envie de croire que le Père Noël te livrera cette lettre. Quand il fera nuit, je passerai te couvrir avec ton plaid. Cette fille est laide, jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais crié à l'aide. Dis à papa que je m'en veux pour nos confrontations. Malheureusement, la mort m'a fauché sans convocation. Il avait un bon taf, moi je n'ai même pas ne serait-ce qu'une vocation. Mais rien nous appartient, même nos corps ne sont qu'une location. Tant d'heures perdues à s'engueuler dans des débats, comme quand je lui avais montré ce rappeur en Père Noël des bars. Il était tout ce que je voulais être, mais tout ce que je n'étais pas. J'aurais dû lui dire je t'aime au lieu de me dire qu'il m'aimait pas. J'aimerais que tu dises à Elise que je l'aime. Que je l'aime du plus profond mon âme. Oui, que je l'aime. Que je la regarde du ciel et que je la trouve tout aussi belle. Elle qui me disait que l'amour vrai suscite la haine. Non, on s'est vraiment aimé, donc on s'est vraiment haï. Même si nos cœurs ont saigné, je voulais être son mari. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit c'est pour la vie. Puis elle est partie le jour où je l'ai trahi. Hein? Ouais, j'avoue, j'ai fait le con. Réveillez-moi, c'est un cauchemar. Je joue un rôle, c'est pas le bon. Maman, dis-lui que je suis un gars bien. Maman, dis-lui de passer l'éponge. Tu m'as fait dire que c'est pour la vie, même s'il faut traverser les monts. Mais je n'ai même pas dit un mot, même si je savais que j'avais merdé. J'ai fait mon sac sans un regard, puis j'ai déserté. À ce qui paraît, une femme peut perdre sa fierté par amour. Et ben, un homme peut perdre son amour par fierté. Et ouais mon gars, moi je suis parti comme un homme. J'ai pris le tram, puis le tram, puis j'ai chialé comme un môme. J'ai pleuré à ne plus avoir de larmes dans le corps. Je n'étais qu'une feuille morte que le vent d'hiver emporte. Pendant 3 semaines, je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je guettais devant ma fenêtre le simple bruit de ses pas. Je croyais notre amour plus fort que ses amis qui nous séparent. Je lui en voulais à mort de me laisser dans cet état. Dis-lui que ça m'a fait du mal de ne pas l'avoir à mon chevet. Telle une mère à la rescousse d'un fils qui la décevait. Que j'aurais aimé qu'elle me prenne en main plutôt que de prendre une cuite. Et qu'elle me sauve de mes démons plutôt que de prendre la fuite. Tu lui diras que je veille sur elle, qu'elle ne s'inquiète pas du tout. Que si jamais elle se sent seule, qu'elle pose sa main autour du cou. Maman, dis-lui que je l'attends, qu'elle me revienne à pas rapide et qu'aucun autre homme la touche, lui ferait des gosses au paradis. À tabler en terrasse, à parler comme des attardés. On était 6, il y avait de la zik et pas mal d'apartés. À part ça, pas grand chose que je me souvienne. J'avais pris une décision, j'avais besoin qu'on me soutienne. Qu'est-ce que je vous sers à demander le serveur qui t'a fait? Eric a répondu qu'un kill de rouge serait parfait. À la surprise générale, j'ai demandé un café allongé, s'il vous plaît, pendant que les autres s'esclaffaient. Je me suis jeté à l'eau, je leur ai dit que j'arrêtais l'alcool, qu'ils risquent d'être choqués, que même la clope j'en avais ras-le-bol, que j'allais me convertir à l'islam d'ici peu, que ça allait me discipliner. Moi qui étais dissipé, je bois ma première gorgée de café. Quand une CA débarque, 3 hommes armés en sortent, mais au loin je ne distingue que des barbes se mettent à rafaler sur les terrasses dans les ruelles. À ce moment, maman, j'ai compris que l'horreur est humaine. Je vois du rouge partout. Est-ce du vin ou est-ce du sang? Mon café vient de tomber dans cette entrée, renversant au prix du verre. Un homme me braque, puis ma faim fut annoncée. Je ne m'attendais pas à boire mon café allongé. Maintenant que je ne suis plus là, dis-moi si tu te sens seul. Tu sais, on m'a fait du mal. J'espère juste qu'ils s'en veulent. Maintenant que je ne suis plus là, dis-moi si tu te sens seul. Tu sais, on m'a fait du mal. J'espère juste qu'ils s'en veulent. Rap français 100% explicit lyrics. Joule. Tu les tours que t'as fait dans ta cité. T'oublies pas le charbon mais t'aurais dû l'éviter. À côté des flics, le client ça l'invitait. Vite con, y'a les chemises dans le kangou. Le chétan te téléguidé. La prison t'a niqué, t'as pris des années. Beaucoup t'ont oublié, téléphoné jamais. Pas de mandat, pas à fumer. Faut pas en vouloir à tout le monde, pas tout le monde pouvait t'assumer. N'en veux pas à ton pote même si t'as envie de le fumer. Parce qu'à cause de lui la juge t'a allumé. T'avais besoin de parler quand t'étais mal luné. Mais malade en cellule, t'es tombé sur un fatigué. Quand t'es dedans, ça calcule pas ta mère. Alors dehors, ça lui montait les courses. Tu vois qu'ils sont rares quand t'es dans la merde. Mais bon, des erreurs, on en fait tous. Et ça fait des tractions, et ça fait des pompes. Ça dit dès que sort, je te fume mon pompe. Qui se rappelle quand il me serrait les pompes? C'était pas le patron, lui il faisait les comptes. Une embrouille, un appel, envoie le pactage, dans pas longtemps ça pète. Que ça chante à la fenêtre, rendez-vous à la douche, et ça se passe en traîne. Jusqu'à tard, ça si je t'aime, ça fait le bâtard. On attend que les vrais sortent du platard. Y'a tout le check qui touche la dent. Derrière une bise, cache une calage. Fais gaffe ici, t'as pas l'âge. Qui dit business, dit rafalage. Dès que tu tournes, le dos ça se lâche. Tu tu descends en promenade, tu dis qui veut me test. J'ai mon dos, un rime et divest. J'ai arrêté moi de faire des têtes. Ça va se finir dans les faits divers. Putain c'est la dèche, il te faut un coffreur. Pour faire du bénéf, donner du pâte au coiffeur. Tu fais bien ta prison, tu fais pas le mailer. Tu fais pas le mailer. Tu fais bien ta prison, tu fais pas le mailer. Reste à ta place ou ça se retourne comme toi. T'as pas chauffé, ne monte pas au grillage. Si ça te perce dans la chaussure, j'ai mis l'outillage. Pour des futilités, des enfantillages. Ça slam franco, ça joue les millas. Si tu fais moulonner, t'auras beau crier. Tu verras vraiment pour toi les personnes qu'il y a. Elle parle, t'as le visage marqué. Devant ta daronne, tu vas te remarquer. Elle va repartir la tête pleine de questions. Où tu laisses, tu dis rien, où tu dois les marquer. Le cœur en or, la tête pleine de missions. Que ils t'offrent dans les émissions. Tu crois en Dieu, même t'en as les frissons. Mais tu vas en charcle à ta permission. La tôle c'est dur, faut pas le cacher. Tu vois des légumes sous cachet. Et toi ils veulent te mettre au cachot. C'est chaud, t'auras même pas un plat chaud. Tu deviens ancien, ils te mettent un arrivant. Mais le drapeau il va bloquer. 7h du mat, y'a la ronde. Cache le chenil, le soir on traîne jusqu'à tard. Ça se dit je t'aime, ça fait le bâtard. On attend que les vrais sortent du placard. Y'a tout le check qui touche la tas. Derrière une bise cache une calage. Fais gaffe ici, t'as pas l'âge. Qui dit business dit rafalage. Dès que tu tournes le dos ça se lâche. Le soir on traîne jusqu'à tard. Ça se dit je t'aime, ça fait le bâtard. On attend que les vrais sortent du placard. Y'a tout le check qui touche la tas. Derrière une bise cache une calage. Fais gaffe ici, t'as pas l'âge. Qui dit business dit rafalage. Dès que tu tournes le dos ça se lâche. Jules dans la nocturne 100% rap français. Il nous a promis 4 albums cette année en 2016. 2 en téléchargement gratuit, 2 autres à un prix modique. Jules, la nocturne 100% rap français. J'espère que tout va bien. 1h11 en direct en ce 2 janvier 2016. Planète rap 100% rap français. Dossé dans la nocturne. Je suis Yuri, hors série. C'est dans la nocturne maintenant. J'crouse à deux à l'heure comme si c'était la rue à mon daron. Un seul nègre, une seule nation, ouais c'est nous les barons. Je suis Galsen, Malika, mère Harry, Patrick, Charlie. Je suis Marseille, Paris, je suis Orlin, je suis Yuri. J'crouse à deux à l'heure comme si c'était la rue à mon daron. Un seul nègre, une seule nation, ouais c'est nous les barons. Je suis Galsen, Malika, mère Harry, Patrick, Charlie. Je suis Marseille, Paris, je suis Orly, je suis Yuri. Geste de game, route pas l'atomisé. Concurrence Charlie Hebdoisé. Pour me fumer, c'est la tête qu'il faut viser. Pauvre con, c'est sur ma tête qu'il faut miser. Quand j'ouvre la chebou, c'est pour cracher le feu. Je rentre sous la chedou pour te casser le cul. Fais pas ta relou, viens me masser le dos. Y'a que l'Eurostar qui ne t'est pas passé dessus. Je viens de raccrocher d'une heure de téléphone. Avec mon srab Nasser El Khelaifi. Ça parlait de produire ma tournée, me faire monter sur scène avec l'hologramme de Kadhafi. Je vais pousser ton rappeur à se dessuicer. Faire passer sous les roues d'un Golf 7 GTD. J'parade en plein Paris à bord d'un char comme si j'étais du mouvement LGBT. J'viens de faire 600 pompes, j'ai les bras flégons. Pectoraux tracés, congestionnés. C'était pas le premier, c'est que t'es pas assez bon. Ouais gros, ça c'est ma façon de raisonner. Mieux vaut une petite victoire qu'une grosse défaite, qu'une grosse défaite. J't'attends à l'entrée du square gauche. Ta dose est prête, rien que j'me tape des barres. Quand j'guette tous ces PDFR, 3 litres 8 V6, 600 chevaux. Gros Nissan GTR, vroom vroom. J'les vois plus que dans le rétro. Chien, l'ambiance est délétère. Chouin, gère mon économie avec une rigueur militaire. Mon son fait le tour des cités comme le bus 304 dans le 9-2. Les mecs de la street se reconnaissent dans mes boys car ils sentent que j'ai autant le seum que nouvelle carte, team le barra. Blackberry PGP, j'ai des plans pour du bon taga. MD et CC, mes rebeurs viennent de la Jonquera. Me sauce pour que j'y retourne avec eux pour le nouvel an. Moi, la rue ne m'a pas baisé. Non, 30 ans et toutes mes dents. Je me lève, je pense à faire de l'eau. Dis-moi juste où et quand. Le temps c'est de l'argent mon los. J'essaie juste de trouver le temps. Celle-ci c'est pour tous mes cabreurs de 700 Raptor et de T-Max 530. Farek l'Afrique is the future. Mais merde, qu'est-ce que je fais en France? J'ai fait ma liste de Noël, je veux un micro Uzi en provenance de Tel Aviv. J'suis pas très facile à vivre, pas un modèle à suivre. J'croise à deux à l'heure comme si c'était la rue à mon daron.

colère, les bimbos, j'suis en colère, la putain de vos roses, vestis pas tous vous cachot. Tu fais ma ville, mais Renan, tu gagnes 2000 euros, j'suis en mode qui cache tous mes frelons, mais t'es basé mollo. Père de Nike Air, cet aspect, veut mon boubi, un coup, c'est même pas tes dents, sinon j'casse tous tes chicots. J'ai la frappe d'ici à Dja, la rage des messas et le coup de poule du voisin à Pousso. On les baisse tous ces fils de pute qui jacquent sur le trio. Si tu me vois pas, c'est que j'suis dans le fond, j'prépare du lot pour toi, ouais, amigo. Brigade en tissu, c'est comme ça qu'on nous voit, merci les pélos. Viens dans mon quartier, on est plein, free pas des free de la free use, ton votre trop le fouet. Oh putain, les villes, s'ils veulent me choper, j'suis dans le rue, dans le sud, j'ai caché les queues trues dans le Renault, dans le nord. Elle croit même, je donne comme on dit, trop bonne, trop conne, moi ce sachet de la bonne, vas-y, viens que j't'en donne direction sur les quais. Si tu fais le bonhomme, pas d'aboum, j't'ai rafale, tu pleures comme une folle, 2-3-7K, merci, tu sais pas aller comme ton bang bang bang dans la schneck de la petite Nicole. Voilà, on a trop faim, les frères. Cousin, arrête pour tout baiser là. Ah, dis l'Ambert, hein, mon gaffa. C'est chaud dans la ville ou quoi? Ah, dis-moi, c'est quoi, frère? Maki, follow me. Massi, follow me. Tony, my nigga, follow me. Maki, follow me. Massi, follow me. Tony, my nigga, follow me. Encore un fils de pute qui veut pas payer, je vais devoir aller le traquer. Ça m'invitait pas à leur soirée parce qu'ils savaient que j'allais tout gratter. Dans un traquenard, négro, tu es tombé. Ne te cache plus, on t'a localisé. Audacieux, jeune et fougueux, tous ces fils de sont tous des envieux. Joue le jeu, j'paye le délo, j'veux tout compris, vas-y, excuse-moi la queue. Quand j'me fais péter par les rejetins, j'deviens amnésique dans tous les cas. Amnésique dans tous les cas. Ouvre ta gueule et c'est la gaffe qui t'attendra. Ils sont pétés, je veux pas les savourer. Je vais les grader de spi comme j'avale mon petit vodka. Avec ombre et lumière, crois-moi sur parole, je vais niquer des mères. Tu n'es que locataire, bâtard, moi j'avais su pas être propriétaire. Je suis frère, oui, je suis prêt. Sous mon futal, y'a mon arme de guerre. Je suis DDR si tu me cherches. Avant de descendre, je vais monter ta mère. C'est la nocturne 100% rap français, tiens. On va faire un tour à Pattaya, le film arrive en février. Une bande-son signée Core. Et le premier extrait, c'est avec Alonso. On met les voiles, gros gros son. Mettez-vous bien. Imaginez la Thaïlande. On y est presque. Au quartier, c'est la merde. Oui, viens, on se fait la malle. Au calme, en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Et si tu connais, y'a rien à faire. Prépare tes affaires, on met les voiles. Besoin de faire la fête à Pattaya. Au quartier c'est la merde. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer. Qu'on kiffe la life. Et si tu connais y'a rien à faire. Prépare tes affaires ou mets les voiles. Besoin de faire la fête à Pattaya. Pattaya on arrive. T'es pas prêt, tu connais pas le délire. À la cité tout part à la dérive. Tu ressens la zermie sur la tête à Karim. Changement de décor. On se casse à l'aéroport. Vas-y prends seulement ton passeport. On va, fuck, on va, fuck, on va, fuck off. À peine arrivé, je veux plus rentrer à la maison. J'parle français, anglais ou thaïlandaise avec l'accent. Tout est contrefaçon. On s'en bat les couilles de façon. Loin de tous mes ennemis. Tu peux pas comprendre car tu connais pas nos vies. Au quartier c'est la merde. Oui viens on se fait la malle. Au calme en bord de mer, qu'on kiffe la life. Et si tu connais y'a rien à faire. Prépare tes affaires, on met les voiles.

est en train de chatter. Aïe. Merci à vous tous et une bonne année encore une fois de plus à vous tous. Prochaine nocturne dans une semaine, lundi 20h-21h, CSCH. 2h05, Bruno, on fait quoi? On trace, c'est parti. Ciao. Du rap, wow. Du rap et du R&B.